Qui? Quoi? Quelques grammes de réflexion. Un jour, ils ont rencontré un dieu, plusieurs, une spiritualité, une philosophie. Un jour, ils ont rencontré la foi. La foi est une croyance profonde et forte de ce que l'on ne peut ni toucher, ni voir. Même si chaque jour, nous mettons notre foi dans les chauffeurs des transports qui nous conduisent, dans ce que nous mangeons, dans la science, dans nos performances et plus encore, la foi en un ou des êtres suprêmes est particulière car quelque peu inexplicable, du moins pour ceux qui ne la partagent pas. Elle peut conduire, pousser à l'extrême et manipuler, à toutes sortes de dérives allant des plus légères aux plus atroces. Elle peut naître d'expérience, de connexion ou par nécessité. Quelle que soit son origine et son orientation, elle est pour certains un support, un moteur, une force, un mode de vie. Et comme vous pourrez l'entendre dans la série spéciale Père Guillot ou dans les épisodes de Bélanger Sandra dont vous trouverez les liens en barre d'infos, la foi peut être une réelle source de bonheur. Selon Pascal Vincent Victor, la foi te permet de garder espoir. L'espoir permet de te garder en vie. Et Jacques Ntekabokolo dit que « il n'y a pas plus puissant remède que la foi pour les douleurs de l'âme ». La foi est si personnelle et subjective qu'il semble compliqué de la juger. Et comme l'exprime si bien Gisèle Halimi, une foi n'est tolérable que si elle est tolérante. Et vous, êtes-vous porté par une foi quelconque qui vous rend heureux? Celle des autres vous dérange ou vous inspire? Dites-le-moi en commentaire. J'ai hâte de vous lire et d'ici là, n'oubliez pas vous autres. Le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin alors. Sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Qui? Quoi? Quelques grammes de réflexion.